des joies et des passions. Mon frère, quand tu as une vertu, et quand elle est ta vertu, tu ne l'as en commun avec personne. Il est vrai que tu voudrais l'appeler par son nom et la caresser. Tu voudrais la prendre par l'oreille et te divertir avec elle. Et voici, maintenant, elle aura en commun avec le peuple le nom que tu lui donnes. Tu es devenu peuple et troupeau avec ta vertu. Tu ferais mieux de dire « Ce qui fait le tourment et la douceur de mon âme est inexprimable et sans nom. Et c'est aussi ce qui cause la fin de mes entrailles. » Que ta vertu soit trop haute pour la familiarité des dénominations. Et s'il te faut parler d'elle, n'aie pas honte de balbutier. Parle donc et balbutie. Ceci est mon bien que j'aime. C'est ainsi qu'il me plaît tout à fait. Ce n'est qu'ainsi que je veux le bien. Je ne le veux point tel le commandement d'un Dieu, ni telle une loi et une nécessité humaine. Qu'il ne me soit point un indicateur vers des choses supérieures et vers un paradis. C'est une vertu terrestre que j'aime. Il y a en elle peu de sagesse et moins encore de sens commun. Mais cet oiseau s'est construit son nid auprès de moi. C'est pourquoi je l'aime avec tendresse. Maintenant, il couve chez moi ses œufs dorés. C'est ainsi que tu dois balbutier et louer ta vertu. Autrefois, tu avais des passions et tu les appelais des maux. Maintenant, tu n'as plus que tes vertus. Elles naquirent de tes passions. Tu apportas dans ces passions ton but le plus élevé. Alors, elles devinrent tes vertus et tes joies. Et quand même tu serais de la race des colériques ou des voluptueux, des